les ambulances. La voix serait répandue dans un fossé. Ils s'en sont tous assez mal tirés. La mère défunte devant nos parentales. Elle et ses enfants vivaient à Laval. La plus jeune dort dans un coma. L'autre petit, lui, ne comprend pas. J'ai peur, où sommes-nous? Où sont ma mère et ma sœur? Laissez-moi sortir, je ne vous connais pas, j'ai peur. Petit, tout va bien, calme-toi. Je suis l'ambulancier qui t'aidera. Ta mère et ta sœur t'y attendent déjà. Le petit est mené dans une chambre. On y lui apprend le décès de sa mère. Sa sœur est dans un piètre état. Bientôt c'est elle qui ne sera plus là. Écoute-moi bien petit, ta mère est montée au ciel. Et ta sœur va très mal, on prie tous bien fort pour elle. Le petit dans son vêtement d'hôpital sort à l'insu de tous par la porte principale. Il entre chez un fleuriste qui lit le journal. Ce dernier lève la tête et y voit la normale. Bonjour monsieur, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Ma soeur va bientôt mourir, j'ai besoin d'un bouquet. Dans le commerce il n'y a que deux. Le fleuriste l'entendant a les larmes aux yeux. Il laisse au petit le soin de se choisir des fleurs. Il emballe le tout et tourne la serrure. Lui prête un vêtement afin de le couvrir. Par la main et longe le mur. Ensemble les deux ils prennent l'ascenseur. Le fleuriste suit le jeune jusqu'à sa sœur. Sur l'étage tous étaient affolés. Infirmières sont heureuses qu'on les retrouve. Quelques docteurs s'étaient aussi inquiétés. La chambre est atteinte, le fleuriste l'a lâché. Je personne entend-tu? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je sais que tu pars bientôt et peut-être même ce soir. Tiens, prends ces fleurs et amène-les avec toi. Elles sont pour notre mère, donne-les-lui quand tu la verras. Chère sœur, m'entends-tu? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je sais que tu pars bientôt et peut-être même ce soir. Tiens, prends ces fleurs et amène-les avec toi. Elles sont pour notre mère, donne-les-lui quand tu as.